Par Saint-Gilles, viens nous en, mon asile, à le vent, viens j'écoute par la route, par la joue du roi Jean. Un beau calme charpillier, et pour âme l'embrayer, une fille sous la grille, les courriers à briller. Oh, nous qui sommes de par Dieu, gentils hommes de mon lieu, il faut faire bruit sur terre, et la guerre n'est qu'un jeu. Cette ville au long bruit qui profile son plombris, des toits frêles, sans tourelles, clochers grêles, c'est Paris. Aux drames, aux panneaux, soient les flammes des chambreaux, où la foule qui s'écroule, hurle et roule à long flot, sans attendre sa picon, le bien tendre attaquant de nos seuls les tourelles, roses belles au balcon. Dans un signe, je suis une avec la fille, je suis une avec la fille, je suis une avec la fille, je suis une avec la fille.